par la raison une trajectoire. Écoute ça, ressens-tu pas le truc qui nous prend la haute trip des poils sur piste. Tu frissonnes, douleur cervicale, connexion cérébrale tachycardie. Ton cœur s'emballe. Trois, garde droit, une seule orientation, donner du sens à nos écrits, c'est-à-dire nos vies qu'elles s'embellissent. Ne pas oublier ce pourquoi le rap est né un texte dur d'enfant sur un son brut béton. Et on a conclu derrière de fausses orientations, plaçons le viseur sur le R de réaction. Progressiste dans notre démarche, y'a trop de loups, trop de pièges, de pixels qui nous foutent la corde au cou. Et dédicace à ceux qui nous ont montré la voie dans notre entourage, dans la poésie, les livres, les films et la musique de François Villon, un azimifet de Anton Makarenko à John Steinbeck. Silence ça tourne pour Kemada, Viva Zapata et la Strada. Écoute aussi Myriam Makeba et Cord Fay. Ouais, voilà ce qui nous influence et dirige nos pas vers la rap dur, brut béton, vrai puissant. Un truc qui sort des traits qui frappe au corps franc touchant. Parler, primer, briquer, mimer, scander en cadence contre la décadence. La rap dur, brut béton, vrai puissant. Un truc qui sort des traits qui frappe au corps franc touchant. Parler, primer, briquer, mimer, scander en cadence contre la décadence. Je veux de la rigueur dans le contenu et du sens dans tes rimes, de l'intelligence dans tes vers, dans ton flow, dans ta mine. Je veux que ça transpire vécu quand tu inspires, que tu mouilles le maillot sur scène quand tu expires. Je veux voir la flamme dans tes yeux quand tu balances tes textes, que t'assumes tes propos sans trouver de prétexte. Je veux que tu kicks, que tu casses tes briques, que tu casses le beat. Je veux que tu te battes pour ton rap comme quand tu te bats contre le rythme. Il faut que ça pulse, que ça pousse, que ça balance, que ça dérange l'esprit de contradiction. Faut que ça démange, remue et tout merdier. Tu trouves ça étrange que tant de MC renoncent à relever ce challenge. Que tu sois ce que Coltrane était au jazz, pas pour la prétention du trône, mais un génie quand tu jazzes. Le verbe habile, tel un funambule sur un fil, la langue volubile, la fin de servir un art socialement utile. La rap dure, brut béton, vrai puissant, un truc qui sort des traits qui frappe au corps franc touchant. Parler, primer, briquer, mimer, scander en cadence contre la décadence. La rap dure, brut béton, vrai puissant, un truc qui sort des traits qui frappe au corps franc touchant. Parler, primer, briquer, mimer, scander en cadence contre la décadence. Le rap, c'est un moyen de se faire de l'argent là. C'est le quartier, la famille. Puis les couilles là avec ton rap conscient là. Et qu'est-ce que tu mets dans ton rap? Mon amour, ma haine, ma liberté, mes chaînes, ma gaieté, ma peine, ma faiblesse, mes textes à rime, mes textes à thème, ma force, ma peur, mes humeurs, ma tristesse, mes espérances, mes rêves, mes buts, mes guerres, mes trêves, mes luttes, mes victoires, mes défaites, mes heures de chute, minutes de gloire, mes convictions, mon vouloir, mon pouvoir, ma passion, ma direction. Et tous mes choix sont plantés, plaqués, gravés dans mon rap.